Ah, rigole. Pardon Loïc, de m'énerver contre toi. Pardon Loïc, de t'engueuler tout le temps comme ça. Mais c'est parce que j'aime trop tes coudrayers. Coudrayers, coudrayers, voyez. Pardon Loïc, de t'engueuler tout le temps comme ça. Mais c'est parce que j'aime trop tes couilles ridées. Couilles ridées, couilles rayées, voyez. J'aime trop tes couilles ridées. Tes couilles rayées, tes couilles rayées, voyez. Les couilles ridées de Loïc. Wow. Ouais, voilà. T'es vraiment un coup de merde, hein. Et si.